Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Marie Moron était souvent surnommée la Colette provençale. Née en 1896 à Saint-Rémy-de-Provence, d'une longue lignée familiale de paysans, elle était devenue institutrice, avait notamment enseigné au Beau de Provence et à Marseille, avant de démissionner de l'éducation nationale en 1941. Amie de Virginia Woolf et d'Edward Morgan Forster, Marie Moron aura signé, des années 30 à sa disparition en 1986, un nombre considérable d'ouvrages, romans, contes et légendes, souvenirs, biographies et monographies, en français ou en provençal. Elle aura été également une ardente combattante de sa Provence natale, partout où ses paysages, sa terre, son littoral étaient menacés par les autoroutes, les promoteurs, la pétrochimie et les industries de toutes sortes. En 1972, Marie Moron était sur France Culture, où elle réagissait aux mots-clés que lui soumettait Pierre Lhoste. Beethoven. Oui. Oh, ça c'est un monde pour moi. Beethoven, je ne sais pas par où commencer. C'est la passion, c'est la misère, c'est les épreuves sans fin, mais c'est la beauté. Et vraiment, je crois qu'il fallait, pour lui, il fallait qu'il souffre pour trouver des accents comme il a trouvé dans toutes ses symphonies, dans tout, il y a cette marque du malheur qui lui était nécessaire, je crois. Mais il a poussé à un tel degré que c'est un bonheur d'être malheureux comme ça. Alphonse Daudet. Oh, Alphonse Daudet, je l'aime bien, vous pensez que je l'aime bien. Et que, naturellement, quand je regarde le moulin de Fontvieille, qui n'est pas le sien, qui tourne pour rire, et pour les touristes, moi aussi je ris un petit peu. Et puis, je lui en veux un petit peu aussi, et là je lui en veux, plus que de faire tourner des ailes qui sont mortes, je lui en veux d'avoir pris son bien un peu partout où il l'a trouvé, et chez Mistral, et chez Roumanie, et surtout chez Polarène, qui a été notre grand prosateur en provençal, et qui a été tout à fait laissé de côté, oublié, méconnu, sinon par les lettrés et les vrais, ceux qui aiment la vraie Provence aiment mieux Polarène que Daudet. Mais ce qu'il y a de meilleur dans Daudet, dans les lettres de Montmoulin, c'est ce qu'a écrit Polarène, et l'installation, et les vieux, et il a dit lui-même, je ne calomnie pas, il a dit, eh ben, si on ne peut pas s'aider entre copains et se donner des papiers les uns aux autres, alors qu'est-ce que c'est que l'amitié? Alors donc, il n'y a pas de doute, ils ont avoué tous les deux que les vieux, l'installation et autre chose, et puis il y a les étoiles qui sont de Roumanie, et puis il y a le curé de Cucugnan qui est de Roumanie, je veux dire, les étoiles qui sont de Mistral, alors, n'est-ce pas, je fais un peu de réserve, comme pour le moulin qui est affecté maintenant au tourisme. Enfance. Ah, ça c'est le monde enchanté, l'enfance. Et celui qui oublie ou qui enterre trop son enfance, il est perdu, parce que c'est à ça qu'il faut toujours se référer. C'est la vraie couche du terreau productif, celui-là, et aussi c'est l'endroit de l'enchantement. Je n'aime pas les gens qui disent « Oh, j'étais un enfant malheureux », mais on ne peut pas, sauf les grandes catastrophes, on ne peut pas être un enfant malheureux si on regarde autour de soi et si on aime quelque chose. Et les enfants, ils sont tout amour généralement. Alors même un enfant malheureux, moi j'en ai eu une dans mes classes, vous pensez, mais ils étaient heureux quand même d'une fleur, d'un papillon, d'un sourire, d'un bonbon, de ce que vous voudrez d'une histoire. C'est le moment où on peut s'émerveiller, l'enfance. Télévision. Oh là là, avec les mauvais programmes que nous avons, je regrette un peu tous les jours de l'avoir acheté, moi. Mais enfin, quelquefois il y a de très bonnes choses. Et il y a aussi un reproche à faire à la télévision, c'est que ce truc-là a tué absolument toute vie personnelle dans les maisons. On s'assied devant son fauteuil, passif, devant son écran, je veux dire, tout à fait passif, et on attend. Et ça vous déverse les uns les autres, je ne veux pas citer de noms, mais un peu trop souvent les mêmes qui vous ennuient. Et il n'y a plus ni histoire, ni vie familiale, ni les veillées, ni les voisins, ni les choses qui font rire. C'est fini, c'est mort parce qu'on regarde son écran et on ne fait que ça. Picasso. Picasso, je l'aime bien. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il se moque du monde. Et il aurait bien raison de s'en moquer parce que les gens sont tellement jobards, vous savez. Mais la période bleue de Picasso, j'ai vu tous les tableaux de l'époque bleue à Londres où ils étaient cachés pendant la guerre. Et j'ai trouvé une telle merveille dans ces tableaux que je me suis dit, un homme qui dessine, qui peint, qui voit comme ça, qui aime comme ça, c'est pas possible. Si on me dit il se moque du monde, c'est qu'il a vu combien le monde est en effet sujet à moquerie. Rêve. Non, mais ça c'est tout. On peut tout dire sur le rêve. Et c'est la plus belle partie de la vie. Je parle pas du rêve quand on dort, parce que quelquefois on a des cauchemars, mais je parle du rêve éveillé qui est si magnifique. Vous pouvez tout avoir par le rêve. Il faut cultiver un peu son imagination. Et ça aussi, quand j'étais institutrice, je l'ai appris beaucoup aux enfants. J'ai dit, racontons-nous des histoires, mais inventez-les pour vous. Alors, nous les inventions un peu ensemble pour les entraîner. Et je trouve que ça fait oublier tous les ennuis, tous les pépins, le ciel gris, la pluie, les catastrophes, quand elles ne sont pas trop dures. Et heureusement, le diable qui a visé sur toutes nos chances a oublié cette porte-là, qui est la porte du rêve. Et là, on peut se sauver quand même. Maison. Maison, ben là, vous parlez bien. Parce que quand je vois les maisons qu'on offre maintenant aux gens, c'est une espèce de cage à lapin pour neurasthéniques, et qui doivent faire devenir les gens ou enragés ou gâteux, pas fous, parce qu'alors s'ils devenaient furieux, ce serait bien peut-être, mais gâteux, résignés. Alors je me dis, tout de même, la maison, c'est pas ça. C'est une belle et bonne chose qu'on a faite petit à petit, comme l'escargot fait sa coquille, une chose solide que les vieux vous ont laissée, à laquelle chose vous ajoutez ce qui vous est nécessaire ou agréable, en leur disant ne criez pas du haut du ciel là-haut, ne criez pas, si j'ajoute ça, c'est qu'il me le faut. Si je transforme un petit peu la maison, c'est que maintenant c'est devenu trop petit pour les enfants qui sont là, etc., etc., en faisant beaucoup d'excuses aux premiers qui les ont bâtis, et alors vous vous y sentez vraiment chez vous. Et un jour, quand j'avais un petit neveu, un arrière-neveu que j'ai élevé parce que Paris le tuait petit à petit, on me l'a envoyé et est devenu un beau gars. Mais quand il est rentré à Paris, parce qu'on a dit le lycée, c'est autre chose que ton école de campagne, alors quand il est venu à Paris, il m'a dit, mais tu sais ce qui va arriver, Marie? Non, qu'est-ce qui va arriver? Je pensais, tu vas bien t'embêter. Mais il m'a dit, ben là, on aura un appartement. On n'aura jamais plus une maison. Et ça résume toute la question pour moi de la maison. Et en effet, un appartement, c'est un appartement. Ça joue les utilités, comme la machine à laver, mais il n'y a rien là-dedans. Cheval. Cheval. Là, j'ai beaucoup à dire, parce qu'il y avait nos chevaux de paysans, qui faisaient partie de la maison, vraiment. Moi, j'ai commencé dans la vie en étant assise sur la marche d'escalier de l'écurie, et quelqu'un a ouvert la porte, et le cheval qui était derrière a sauté, mais en me voyant assise toute petite sur l'escalier, a fait un tel bond qu'il est allé jusqu'au puits presque. Et on a dit, mon Dieu, avec le pied derrière, il a tué la petite. Et non, moi, j'étais bien tranquille, il était passé si haut au-dessus de moi qu'il était dans le ciel. C'était Pégase, tiens. Et alors, quand je vois ce que nos chevaux camargues, qui sont si fringants, si beaux, et pourtant l'œil si triste, parce qu'ils sont une vieille race antique, quand je vois ce qu'ils en font avec les promenades à cheval, et je te tire la babine, et je t'éperonne, et je sais pas monter à cheval, mais je fais semblant, et tout ça, c'est une pitié. C'est une pitié. Et André Chanson, vous voyez, m'a dit la semaine dernière encore, il faut que nous fassions quelque chose pour nos chevaux de Camargue, Marie, parce qu'on les massacre avec ces promenades idiotes. Moi, je voudrais qu'on coupe tous les licols et qu'on les rende un peu à la liberté. Ça, c'est pas possible. Mais il faudrait que ceux qui viennent faire ces promenades à cheval, 1000 francs de l'heure, et qui engraissent les manadiers parce qu'en effet, ils ne gagnent pas l'eau, mais au moins qu'ils respectent les chevaux et qu'ils ne les massacrent pas pour le plaisir de faire semblant habillé en cow-boy quand même. Justice. Ça n'existe pas, ça. Bonheur. Ah, ça existe si vous le faites. Si vous voulez vraiment le faire, alors ça existe. Mais il faut le vouloir tous les jours, à toutes les minutes, à tout instant, contre vents et marées, même quand ça va mal. Moi, je connais quelqu'un à Mayanne qui a dit « Nous autres, les Mayannais, nous sommes une race de gens qui savons mourir en riant. » Dites mieux. Plaisir. Mais ça, c'est la menu monnaie, n'est-ce pas, du bonheur. Il me semble que c'est la menu monnaie. On se donne des petits plaisirs, on les prend quand on peut, comme on peut, en biaisant, enfin, on se fait plaisir, c'est ça qu'on dit. On ne dit pas « je suis heureux », on dit « je me suis fait plaisir » ou « c'est un grand plaisir d'être là et c'est petit, puisque c'est un grand plaisir ». Mais c'est pas même un petit bonheur, le plaisir. Mais enfin, ça fait passer le temps plus agréablement, quand même. Napoléon. Oh là là, Napoléon, je ne suis pas bonapartiste. Et vous parliez de justice, je trouve que celui-là l'a fracassé, la justice, est un peu fort. Mais quand les Corses chantent l'Ajaxienne, alors ça c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose d'ajouté, c'est quelque chose d'inventé, c'est quelque chose justement pour se faire plaisir. On est Napoléon un petit peu pendant qu'on chante cet hymne magnifique. Une autre fois, Dieu se fit homme, Napoléon, Napoléon, on le croit. Et ça, ça fait partie du plaisir. Les hippies. Oh, cela, je ne le regarde même pas. Il me semble que n'ayant rien à dire et à montrer, ils veulent se faire remarquer quand même. Alors ça, c'est du matuvuisme pour moi. Enfin, je les regarde même pas. Je les vois à la télévision, justement. Et vraiment, ils ne m'emballent pas. J'ai envie de leur laver la tête au propre et au figuré. Et puis, de les sarcler un peu de toutes ces fleurs qui arrivent là comme plutôt des cheveux sur la soupe. Cosmonaute. Ben, on est enthousiaste, n'est-ce pas, quand on pense qu'il marche sur la Lune. Mais moi, je regrette la nôtre de Lune, qui n'était pas celle sur laquelle on marchait, justement, qui était cette inaccessible à qui vous pouviez tout prêter, puisque vous la voyez sans pouvoir jamais l'atteindre, sans pouvoir jamais voir l'autre côté de sa figure. Mais maintenant, c'est tout. Alors, c'est une terre, il y a des volcans, il y a de la terre, il y a de la poussière. C'est pas vivable, il n'y a pas d'air. Oh, ben c'est pas drôle, une Lune comme ça. Les cosmonautes, ils ont des curiosités coupables. Mais si ça les amuse, pourquoi pas? Humour. Humour. Ah, ça, c'est plus difficile. Parce qu'entre l'esprit et l'humour, il y a une telle différence que je me demande toujours où commence l'un, où finit l'autre. Et moi, j'aime mieux l'esprit que l'humour. C'est joli d'avoir la répartie leste et de faire rire immédiatement. C'est joli, ça, mais je suis trop lente, sans doute, pour ça. On m'a parlé beaucoup de l'humour anglais et en effet, j'ai entendu quelquefois des mots qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète, mais je me dis, il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup pour qu'on se les répète tant. Ce soit toujours les mêmes qui servent un peu démonétisés déjà. Île-de-France. Ben, je veux pas dire ce que je pense de l'Île-de-France parce qu'elle nous a un peu écrasés, nous autres gens du Midi. Là. Et pour l'unité et la gloire de l'Île-de-France, nous avons un peu courbé les chines. Alors, pour moi, quand je viens à Paris, je viens toujours dans le camp des ennemis. La croisade contre les Albigeois n'est peut-être pas finie. Vérité historique. Oh, ça non plus, c'est pas vrai, c'est comme la justice. Mais il me semble que la vérité historique qu'on fabrique... Vous voyez, pour Roger de Lisle, on a dit toutes sortes de choses qui venaient d'ici, de là, le chant que quelqu'un d'autre l'avait fait, ce qui n'était sûrement pas vrai, mais c'est tentant de mentir autour de quelque chose qui est grand. C'est tentant pour le rapetisser, parce que l'homme est petit de sa nature, et qu'alors, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, l'époulaille un peu, et alors il veut un peu baver dessus, comme les escargots qui, eux, rampent toujours. Alors la vérité historique en sort bien, bien édulcorée quelquefois, bien amoindrie d'autres fois, et bien changée, bien travestie, bien maquillée la plupart du temps. Raymond Poulidor. Oh, ben, vous savez, il a de belles cuisses, mais ma foi, une fois où je faisais voir le Tour de France à mes élèves, parce qu'il passait entre 11h et 1h, j'ai dit, vous voulez voir le Tour de France, petite, qui traverse la Croix, puisque j'étais institutrice en Croix, et alors on est venu, et une de mes gosses écrivait, ah, c'était pas Poulidor à ce moment, c'était le Poulidor de l'époque, mon Dieu, les belles cuisses! Et depuis, pour moi, quand je vois passer les coureurs, je pense toujours à ça. Mais c'est pas une façon de faire du sport, quand même. Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo, le grand Victor Hugo. Il nous a un peu écrasé toute notre vie, notre enfance, notre adolescence, mais c'est un bien grand bougre. Hein. Et puis alors, il y a eu Guernesey, quand même, il faut pas oublier ça. Et ça, c'est un grand homme qui peut s'exiler comme fait Pablo Casals, qui a dit « Je ne rentrerai que lorsque le régime de dictature sera mort ». C'est beau, ça, c'est une grande chose. Moi, le plus que j'aime dans Victor Hugo, c'est Guernesey, vraiment, pour lui. La danse. Ah, la danse. C'est joli, la danse, comme expression de la joie, n'est-ce pas? Dans nos danses, autrefois, de fêtes votives, c'était gai comme tout, et puis on avait un danseur un peu attitré, parce qu'il faisait mieux la valse ou la mazurka, mais c'était des danses gaies, tout le monde riait, on se bousculait, on riait, on manquait la mesure, oui, ça c'est sûr, et puis quand on faisait bien la valse, on gagnait un coquetier en verre bleu, c'était joli comme tout, mais il n'y avait pas de vraie compétition pour ce coquetier en verre bleu, quand même. Maintenant, je trouve que quand je les vois danser, ou dans le vrai bal, ou dans les spectacles télévisés, ils ont un air tellement triste, tellement écrasé par je ne sais quoi. Parce que si on savait pourquoi ils sont écrasés, on pourrait les prendre en pitié, enfin, sympathiser, je veux dire, avec eux, mais on ne sait pas. Ils ont un air triste, ou bien alors ils ont cet air frénétique de gens qui veulent sortir d'eux-mêmes en se donnant la danse de Saint-Guy qu'ils n'ont pas naturellement. Je trouve ça déprimant. Au lieu d'être excitant. Calembour. Oh, mais ça, c'est joli. Mais enfin, quand même, c'est un peu facile pour de l'esprit et même pour de l'humour. Quelquefois, c'est assez facile, c'est assez mineur, non? Mais il y a des gens qui adorent ça. Alors, ça devient embêtant quand les gens le prennent comme une façon d'être spirituel. Et que tous les « comment vas-tu, yo de poil » et autres calembours deviennent une espèce de chapelet qu'ils égrènent. Alors là, vous les gifleriez volontiers. Hein. La mémoire. Ça, je parle de quelqu'un qui est bien malade en moi. Parce que si j'avais une bonne mémoire, je l'aimerais beaucoup. Mais comme ça, elle me suspecte, parce que j'ai vu tant de gens briller par leur mémoire et n'être pas intelligents, qu'elle me suspecte, quoi. Je cherche toujours derrière s'il y a quelque chose d'autre. L'argent. Oh, ben ça, c'est le cadet de mes soucis. Il en faut, pas vrai. Mais c'est quelque chose de tellement méprisable, qui a tellement avili le monde. Et maintenant, hier, il y avait une enquête chez les jeunes où on parlait de l'argent. Que pensez-vous de l'argent? L'un disait, je vais en gagner beaucoup. L'autre disait, en mentant visiblement, oh, moi, l'argent ne m'intéresse pas. Mais on voyait très, très bien qu'il mentait. L'autre disait, je voudrais de l'argent pour acheter une voiture. Enfin, c'est tellement bas, cette façon de considérer l'argent pour des choses matérielles, immédiates, dont on attend beaucoup et qui n'apportent rien ou pas grand-chose. J'ai vu une dame qui, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, m'a dit « Je suis à mon 6e manteau de fourrure et je ne suis pas plus heureuse. » Et je lui dis « Je me demande pourquoi vous attendiez d'être plus heureuse avec un qui ressemble au léopard qu'avec un qui ressemble à la chèvre. » Elle m'a regardé de haut parce que pour elle, la chèvre, c'était quand même l'astrakhan. Enfin. Non, c'est trop vil, l'argent. C'est dommage que ce nous soit indispensable. C'est dommage. Je voudrais que... Je sais pas, moi j'aimerais le troc encore, tenez. Parce que, vraiment, pour gagner, pour ratiboiser sur tout le monde, on fait des choses ignobles. Et d'abord l'État, qui nous ratiboise tout avec les impôts. Alors, vous comprenez que ça m'a pas rendu l'argent sympathique, ça, hein? Ah non. Le soleil. Oh, voilà, là. Là, on peut pas dire plus, hein? Le soleil, c'est le soleil. Après lui, plus rien. Ça, c'est le sommet. C'est le sommet. Mais il y a... une invocation au soleil que vous ne savez peut-être pas et qui est du Languedoc et qui dit « Soleil, mon frère, le bon Dieu t'éclaire. N'éclaire pas, je le dis en français, n'éclaire pas seulement ceux du dessus, ceux de la vie, mais éclaire aussi ceux de dessous, ceux qui ont fini. » Et cette idée égyptienne que le soleil se couche pour aller éclairer les morts me semble une chose si belle que je ne le vois jamais se coucher sans penser à cette invocation du Languedoc qui dit « N'éclaire pas seulement ceux du dessus, mais ceux du dessous, ceux qui ont fini ». Mais je trouve une beauté extrême dans cette paix et cette lumière. Cette immobilité de la paix dans la lumière me semble une chose miraculeuse. La peur. Ah, la peur. La peur. Attendez, il faut que je cherche de quoi j'ai peur. Vous savez, dans une vie qui n'est pas très menacée comme les vies de nos campagnes, ben, la seule peur qui me reste, c'est celle de l'orage. Mais alors ça, hein, je vous jure que Zeus, tonnant et fracassant, celui-là, il m'embête. Si le soleil est mon vrai dieu, alors le Zeus qui brandit la foudre, celui-là, je vous prie de croire que je l'ai à l'œil et qui m'ennuie profondément. De lui, j'ai peur, oui. Et alors, je sais par cette peur-là ce qu'est la peur. Parce que jusqu'ici, je n'avais jamais éprouvé pourquoi il faut avoir un motif d'avoir peur. Mais alors, cette peur bête, c'est ça, la bêtise de la peur qui me met hors de moi. Parce que vous ayez peur, que vous n'ayez pas peur, si la foudre doit tomber, elle tombe. Si elle doit vous tuer, elle vous tue. Eh bien, la peur qui vous prend aux tripes, qui vous prend aux entrailles, où vous n'êtes plus capable de raisonner ni de plus rien. Ah, ça, c'est quelque chose d'horrible. Là aussi, le diable a su nous laisser quelque chose, hein. Un jour, j'ai dit, non, je ne crois pas vraiment à votre Dieu. Pensez donc, on m'a dit, mais tu parles du diable. Je dis, ah, mais au diable, j'y crois. Mais vous ne voyez pas que c'est la même chose, m'a dit un reporter distingué. J'ai dit, eh, pour moi, c'est pas la même chose, monsieur. Qui sont bêtes, quand même. La gloire. Oh, fumée. Fumée. Qu'est-ce que ça peut être, la gloire, quand vous voyez ce qu'est devenu la gloire de nos devanciers de deux générations seulement. Ceux qui tenaient dans tous les domaines la tête de l'affiche, quoi. Et non seulement je ne parle pas que des acteurs ni des toréadors, mais tous ceux qui étaient les glorieux du siècle dernier, ben, c'est fini. On n'en parle plus, ou bien on rit. Oh non, celui qui croit à la gloire, alors il croit à la fumée. Et encore, la fumée est jolie, mais la gloire, c'est tant de mensonges accumulés et tant de faux semblants. Pourquoi ? L'amour. Ah, il y a un conte provençal qui dit l'amour, ça se fait en Corse, hein ? La vieille disait, ça se fait en Corse, hein ? J'ai bien oublié. Eh bien, l'amour, quand même, non, parlons sérieusement. Parlons de l'amour, qui dépasse la haine. Vous voyez, on vient de fêter maintenant le centenaire d'Alexandra Davinel, n'est-ce pas, qui m'est une amie quand même. En 100 ans, elle a eu le temps de faire beaucoup d'amis, dont moi. Eh bien, je sais, elle me dit, mais que croyez-vous ? Elle m'a dit souvent, mais que croyez-vous ? Moi, je suis anglo-saxonne, vous comprenez, d'ascendance tantôt anglaise, tantôt suédoise, tantôt autre chose, tantôt l'île de France, tantôt le Tour. Bon, elle me dit, vous comprenez que moi, je ne suis pas une méridionale qui m'emballe et tout ça. L'amour, mais je ne suis pas sentimentale, mais je sais ce qu'elle appelle, elle, l'amour. C'est cet amour du Bouddha qui a dépassé le moment d'aimer ou de détester, de haïr, de mépriser, toutes ces choses contingentes et humaines. C'est l'amour au-dessus de ça. Et non pas l'amour de l'ennemi, et non pas spécialement tendre la joue gauche quand on vous agifle sur la droite, mais l'amour au-delà de la haine, de la suspicion, de l'amitié, de l'affection, de l'amour-passion, au-delà de tout ça, cette espèce de lumière immobile, comme celle du soleil d'en dessous, qui éclaire une humanité désincarnée un peu, je veux dire, qui a lâché toutes les contingences de la terre, et qui s'adresse à une âme qui pourrait devenir beaucoup plus lumineuse, et c'est celle qui préside en somme aux réincarnations, je dirais, qui fait que vous avez distillé votre lit à travers des existences successives. Et je sais qu'Alexandra Davinel, ce qu'elle aime dans les gens, c'est ce qu'ils peuvent devenir, c'est ce qu'ils espèrent sans le savoir devenir. Et c'est cet amour transcendant qui est le sien. Alors évidemment, elle n'a pas de haine, de colère, d'emballement pour les choses du second étage. Elle ne s'adresse qu'au gratte-ciel. Et ça pour moi, c'est l'amour. C'est celui du Bouddha, enfin. Thank you. La beauté. Eh bien, la beauté, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? La vraie beauté, c'est celle qu'on n'atteindra pas, comme la sainteté. C'est celle que tout artiste vrai poursuit à travers sa peinture, sa poésie, sa musique, qu'il sait poursuivre inlassablement sans jamais l'atteindre. Et il y a dans cet objectif de dépassement et de mystique quelque chose de tellement grand que je suis écrasée d'admiration devant tout artiste, vraiment, qu'il soit mon ami ou que je ne le connaisse pas. Superstition. Ah, tout le monde se défend d'être superstitieux et tout le monde l'est, vraiment. Au fond, tout le monde l'est. Eh bien, quand j'ai écrit ce livre sur la magie, moi, et même nous en avons parlé, vous et moi, vous m'avez dit, mais vous êtes superstitieuse. J'ai dit, au début, je croyais ne pas l'être. J'ai commencé, et là, mon éditeur m'a dit, mais au moins, vous n'êtes pas superstitieuse, vous n'allez pas avoir peur en chemin. J'ai dit, oh, pensez donc, alors nous, hein, nous ne sommes plus de ce genre de gens qui avons peur, etc. Je ne touche pas du bois, ça m'est égal d'être très à table. Oui. Mais il y a autre chose dans la superstition que ça. Et quand vous avez vu des faits fort troublants, et que vous avez vu quelquefois comment était monté le mécanisme d'une superstition, parce que quelquefois vous pouvez la suivre et la remonter à l'envers, et que vous voyez son mécanisme, alors c'est guéri. C'est comme le psychanalyste qui vous ouvre la fenêtre, vous êtes guéri. Mais il y en a dont vous ne démonterez jamais le mécanisme, et alors vous vous demandez s'il y a un mécanisme ou bien... Si le fait échappe à votre conscience d'homme, alors à ce moment-là, ben, on n'est pas si pharo. Alors je vous dis, moi j'y vais mollo mollo maintenant. J'en ai trop vu dans ce livre qui a duré pendant 3 ans au moins, et toute la vie, parce que c'est pas au hasard qu'on m'avait demandé d'écrire ça. Je faisais l'esprit fort, mais on est bête quand on fait l'esprit fort, n'est-ce pas? Et peu à peu, quand on avance, on voit des choses tellement étranges. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a plus de mystère Horatio. Hein. Eh bien, alors là, j'étais beaucoup moins fière, je vous avoue. Jules Ferry. Oh là là, Jules Ferry. On m'a nourri de Jules Ferry à l'école supérieure. La tante de Marcel Pagnol, qui était ma directrice, ne jurait que par Jules Ferry. On a essayé d'appeler notre école, école Jules Ferry. Enfin, ça a été effroyable ce que ce grand laïc... A pu nous infuser de patriotisme laïque, c'est pas croyable. Il a été un grand bougre, ça, il n'y a pas à dire. Et c'était l'époque des grands laïcs, ça, l'époque de Jules Ferry. Maintenant, lui aussi, on l'oublie un peu, on le cite quelquefois. Je lui dois beaucoup. Cette foi laïque et républicaine nous vient de lui, parce qu'on nous l'a servi en tranches, en compote, en tout, quoi, en leçon de morale, en tout. Le théâtre. Oh, le théâtre, je l'adore pour ce côté création, ce côté qui n'est jamais deux fois le même, et qu'un acteur peut incarner tant de personnages, et quand vous les connaissez de près, les acteurs, vous vous apercevez que s'ils ont joué Hamlet, s'ils ont joué un tel, peu importe, Tartuffe ou n'importe, ils ne savent plus très bien qui ils sont. Et ça, c'est une chose extraordinaire qui prouve la puissance du théâtre. C'est comme pour un livre. Pour le théâtre, il faut entrer dans la peau de ce personnage, qu'il vous soit sympathique ou antipathique, il doit finir par être vous. Même si vous vous détestez à travers Tartuffe ou à travers qui que ce soit. Mais une fois qu'on a réussi à changer de peau, comme ça, à entrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Vous êtes vécu par ce quelqu'un d'autre. C'est comme pour un personnage de roman, vous êtes vécu par votre personnage. Et il y a un moment, et ça aussi, Alexandra Daviniel m'a dit, méfie-toi du moment où tu auras créé un être dont tu ne pourras plus te débarrasser. Moi, je trouvais que c'était littéraire, que ça faisait joli. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un moment où le personnage prend le pas sur vous, et ça, c'est très dangereux. Et les hommes de théâtre le savent, parce que c'est le même processus. Ils le savent, et un psychiatre m'a dit, le pire des malades que nous ayons à soigner, c'est un acteur, quand il perd son propre personnage, qui était le sien au début, et qu'il n'a pas pu garder parce qu'il l'a émietté, il en a trop donné d'ici, de là, d'autre part. Et alors, je ne parle pas du fou qui se prend pour Napoléon, ou qui se prend pour Marc Aurèle, mais de l'acteur qui a trop joué, et qui garde, et ça vous le voyez, et moi ça m'affole, vous le voyez prendre une attitude, qui certainement est une attitude de théâtre quelquefois. Ça veut dire qu'un personnage l'occupe, même à son insu, reprend le pas sur le vrai homme. Et c'est quelque chose de tragique, mais c'est quelque chose de magnifique qu'on puisse donner jusqu'à sa peau. Le Rhône. Le Rhône, ça c'est le fleuve Dieu, ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'incroyable. J'aime le Rhône comme quoi? Plus que comme un dieu, parce que il a le dieu, c'est statique ça pour nous. Mais lui, c'est tellement vivant. Mon chien, si vous le voyez maintenant, s'il ronfle là, en remontant ici à Paris, je vous jure qu'on l'a vu déborder, emporter des arbres, emporter des toitures. Et, ah, c'est incroyable, la force. Et puis, quelle grâce quand il a fini de dévaster, tout devient calme, les arbres s'engraissent de ce désastre. Bon, il faut être Dieu pour faire ça, hein. Ah, je le trouve d'une beauté extraordinaire. Un pays où il y a un fleuve comme ça, c'est un pays astré. Petit Jésus. Oh, bon, ça, va bien pour la crèche. On le met dans la crèche pour la Noël. Mais, comme disait mon petit-neveu, je m'étonne que ces gens soient venus apporter un enfant qui vient de naître, qui des choux-fleurs, qui une pompe à l'huile, qui ne peut pas la manger. Rien que des choses qui ne sont pas pour un bébé. Et ça, c'est juste. Ça prouve que nous sommes loin de ce symbole que nous voulons quand même remettre dans la crèche, parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais la preuve que nous ne le comprenons plus, que nous pouvons lui apporter un chou-fleur dans les santons, et des ciseaux à aiguiser, dont il n'a que faire, le pauvre gosse. Guerre. Oui, alors là, c'est une chose abominable, ça. Et la honte de l'humanité, pour toujours, c'est de n'avoir jamais cessé de faire la guerre, jamais. Depuis les arcs et les flèches, jusqu'à la fronde, jusqu'à la bombe atomique, ils n'ont jamais cessé. Et alors, qu'est-ce que c'est ce jeu de faire tant de gens, tant d'enfants, et de crier, ayez des enfants, nous serons plus forts, etc., pour les faire tuer après, parce que nous sommes trop nombreux. Qu'est-ce que c'est ce jeu de massacre, ce jeu diabolique des hommes qui cherchent le moyen le plus raffiné d'en tuer le plus grand nombre? Et pourquoi? Pour du pétrole, toujours, ou pour des terres, ou pour gagner plus d'argent, quand ils ne peuvent pas le dépenser, même. Ils sont là, plus que 200 familles, qui ont de l'argent à ne savoir qu'en faire, qui veulent en gagner davantage, exploiter davantage, pressurer davantage. Et puis, quand ils ont fini de se battre, de tuer, toujours aux accents de la Marseillaise, alors ils disent, maintenant, il y a surproduction, nous jetons tout, nous brûlons tout, nous gâchons tout, nous arrosons les fruits et les légumes de mazout. Parce qu'on s'en fout que vous n'ayez pas de quoi en acheter, mais il y en a trop. Alors, c'est un dérèglement, c'est plus que l'apprenti sorcier. C'est l'apprenti sorcier, il n'avait que son balai qui ne savait pas gouverner. Mais nous, maintenant, la machine infernale englobe tout. Et je crois que nous sommes... On dit, mais vous êtes condamnés à la guerre parce que vous êtes trop de gens. Et on nous demande de secourir le Biafra et nous brûlons nos marchandises, nous les arrosons de mazout. C'est la folie absolue, je crois. Et la guerre n'est que le symbole de ça. Et c'est une épouvante, vraiment. Ça vous console de vieillir et de mourir. Encore plus, parce qu'au moins, on ne verra pas le reste. La mode. La mode, je dirais que je m'en fous. Parce qu'elle ne m'a jamais beaucoup inquiétée. Mais elle est tellement rigolote, tellement folle, tellement étrange, tellement capricieuse. Il faut consommer beaucoup d'étoffes, n'est-ce pas? Il faut changer quand les robes sont longues, il faut les faire courtes. Ça encore, on pouvait le couper. Mais quand elles redeviendront longues, il faudra jeter les courtes. Ça sera très bien pour les couturiers. Mais ça n'a pas d'intérêt, ça. C'est un amusement. Ça pose rien de sérieux, ça. Pour le vendre en Amérique, ça va, puisque c'est la consommation, n'est-ce pas, qui compte. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout, alors. La peine de mort. Oh, la peine de mort. Écoutez, depuis que j'ai lu ce livre atroce de cette dame suisse qui a défendu, comment il s'appelait, Friedman, un nom comme ça, cet assassin de grande taille, et qui a eu cette conversion dont on a dit il a vécu comme un brigand, il est mort comme un saint. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai trouvé que... Je l'ai trouvé avant, mais c'est récent, ça. Et je me dis, la peine de mort, dans ces cas, est inutile. La prison est inutile parce qu'elle est une école de vice. La peine de mort fait du guillotiné un héros, et ça, tous les condamnés graves font un héros de ceux qu'on a exécutés. Alors, je crois qu'on tourne en rond là-dedans, mais qu'il n'y a pas de solution. Il faut mettre les gens qui nuisent hors d'état de nuire, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une solution. Rien n'est une solution, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. Là, alors, c'est le casse-tête, ça. Et c'est la malédiction de notre planète que nous ayons des problèmes comme ça, insolubles, devant le nez, comme la guerre, comme la famine, comme la mauvaise organisation de notre société qui gâche tout et qui tue, un peu à grand renfort de manches agitées, de rabats d'avocats, le plus malin l'emporte. C'est le vice de la société qui, mon Dieu, est loin de la perfection. Mais j'ai pas d'opinion, je tremble chaque fois que je vois quelqu'un jouer sa tête. Et même, je connais des gens qui auraient mérité de la jouer et qui sont pas plus mal que vous et moi, mais qui ont été desservis par les circonstances. Il y a l'enfance délinquante. D'où provient l'enfant délinquant? De quel magma il provient? Alors, il paye quoi, celui-là? Celui qu'on envoie à la guillotine, il paye quoi? Et en quoi est-il coupable? S'il a été mal éduqué, mal élevé, s'il a vécu dans un milieu de voyous ou de prostituées? Moi, quand j'étais à Marseille, où j'avais les enfants de voyous et de prostituées, qui disaient « Que fait ton père? Mon père, j'en ai pas. Et que fait ta mère? Elle fait le trottoir. » Mais qu'est-ce que ça donne, un enfant comme ça? J'aurais voulu les prendre tous dans ma maison, les garder. Ils disaient « On est bien qu'à l'école. » C'est terrible d'entendre ça. Eh bien, s'ils ont donné à la suite des voyous ou pire, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est la responsabilité? Elle est dans la société, elle est dans la famille, elle est dans la misère, elle est dans le mauvais fonctionnement du monde. C'est trop gros, le monde, ça ne peut pas marcher bien, c'est forcé, ça. Si vous parlez avec eux, ils disent, moi, oui, j'ai tué quelqu'un, mais ça a volé, j'ai pas volé. Ils se réfugient derrière la chose qu'ils n'ont pas faite pour se donner encore un peu de lustre. Mais si vous leur faites tout à coup confiance, qui sait ce qui arrive? Mais je sais pas. Mistral. Oh, Mistral. Moi, Mistral, je trouve qu'il a tout dit. Et le Mistral vent, dont il avait le nom sans l'avoir fait exprès, je trouve qu'il balait tout et c'est rudement bien. Ah, c'est un nom maître, ça, justement. Puisque c'est le mot maître. Eh bien, si vous l'aviez connu, Mistral, alors vous sauriez ce que c'était. C'était quelqu'un. Il avait tout pour lui. Il avait le génie, il avait la beauté, il avait la... Et puis, il savait, quoi. Il régnait sur nous avec un charme, quelque chose d'extraordinaire. Je dis toujours, moi j'avais 16 ans quand il est mort, s'il avait dit, on part, on fait la croisade des Albigeois à l'envers, nous serions tous partis, comme des imbéciles, mais enfin, non, il n'aurait pas dit, comprenez-moi. Il n'était pas séparatiste, et encore je lisais dans Prose d'Almanach, il disait, quels sont les imbéciles qui me croient aussi bête que d'être séparatiste? C'est très bien, ça. Mais il avait un charme extraordinaire, une puissance. Il avait des yeux extraordinaire, vert avec des paillettes d'or dedans, c'était... Vous ne pouviez pas le regarder en face. C'était magnifique. Je suis contente de l'avoir connu. Et pour moi, pour nous, quoi, quand je dis moi, pour nous tous, du midi, il reste un flambeau. L'Académie. Oh, mais ça, alors, l'Académie, c'est plus que le cadet de mes soucis, c'est... Je suis loin, hein. Pourquoi pas le Parthénon, et tout ça, hein. Mais c'est une consécration, oui, d'accord. Et même ceux qui ont toujours dit qu'ils ne seraient jamais de l'Académie, eh bien, moi j'ai une histoire très jolie là-dessus. Duhamel et Albert Gleizes, qui étaient de ce qu'on a appelé l'abbaye, ce groupe d'artistes d'autrefois. Et alors, ils étaient jeunes à cette époque, et Albert Gleizes et Duhamel et Vildrac et tout ça disaient, l'Académie, ça les faisait rire, ça les faisait rire aux éclats. Et un jour, après que Duhamel a été élu de l'Académie, moi j'étais ici chez les Gleizes, à Paris. Et nous sommes allés voir une exposition, je ne me rappelle plus laquelle, où Albert Gleizes exposait. Et il me dit, Marie, avec cet air de passion qu'avait toujours Albert Gleizes, tremblant, il s'accroche à moi, il me dit, Marie, ce qui arrive. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai cru qu'il allait avoir une attaque. C'était Duhamel qui venait d'être élu à l'Académie et qui arrivait à l'autre bout de la galerie. Alors, ils se sont regardés comme ça, avec un air doux. Et Albert Gleizes me dit, pensez qu'une fois, je lui avais dit, tu fais tout si bien que tu seras de l'Académie, malgré notre serment. Et il lui a dit, je ne t'ai pas autorisé à me mépriser jusque-là. Alors il me dit, pensez, maintenant il en est de l'Académie, et le voilà. Alors on a fait des manières, on a dit, comment vas-tu? Très bien, merci. Et si, et ça, est-ce que tu aimes cette peinture? Eh ben tu vois, je fais des réserves. Mais Dieu garde qu'on parle de l'Académie. Moi, la langue me démangeait de dire, monsieur Duhamel, je suis heureuse de vous féliciter. Mais je ne l'ai pas fait. Le mariage. C'est comme les melons, ça, vous savez. Vous les regardez, ils ont bon air. Vous les regardez encore, ils ont moins bon air. Et quelquefois, c'est celui qui marque le mieux, qui est mauvais, qui s'est croisé, hélas, avec une courge, quand il était fleur. Et maintenant, vous avez un beau melon, mais c'est une courge, comme une belle femme bête. Et le mauvais qui est bon, le mauvais d'aspect qui est bon de goût. Alors, c'est la loterie. Hein. Je veux dire, c'est, tiens, disons. La Provence. Oh, la Provence, alors là, si vous parlez de ça, c'est tout, ça résume tout. Ça résume le soleil, la beauté, la terre, Mistral, le bonheur, la joie, les Alpes, la montagne. Ça résume tout. Alors, que voulez-vous, c'est un monde. Dieu. Dieu? Oh là là, j'en ai tant, moi, de Dieu, que des fois, ils sont contradictoires les uns les autres. Nous sommes restés très païens, nous autres, les Provençaux. Il y a la terre, il y a le fleuve, il y a le soleil, il y a tout, quoi. Et les fleurs et la création. Mais je suis de l'avis d'un jeune berger qui m'a dit une fois, « Marie, tu crois en Dieu ?» Je lui dis, « Ça dépend comment tu l'entends. » Parce que si c'est le bon Dieu avec la grande barbe, alors j'aime mieux te dire que je n'aime pas les barbus. Alors il me dit, « Ben moi, je suis un peu comme toi, mais je me disais, elle doit avoir une idée sur le bon Dieu, sur Dieu, quoi, sur Dieu. » J'ai dit, oui, il dit Dieu. Alors il me dit, moi, le matin, quand je pars avec le troupeau, eh bien, il faut marcher vite parce qu'il y a la rosée. Il faut marcher vite parce que si les moutons mangent l'herbe mouillée de rosée, ils ont la gonfle. Tu comprends? Oui. Ah, j'en suis pas encore à Dieu, je lui dis, j'en suis qu'à la gonfle. Oui. Bon. Mais moi, les moutons, je les fais marcher, le chien les pousse parce que lui, il regarde pas les alentours. Mais moi, je regarde cette rosée sur les fleurs de thym, de romarin, de ci, de ça, de ça. Et je me dis, pour moi, je ne vais pas plus loin, mais tout de même, il était plus loin que la gonfle. Pour moi, c'est ça, Dieu. Bon, je lui dis, c'est pas trop mal. Tu montes, tu continues, tu arrives dans la pinède. Là, le vent se lève. Tu ne peux pas savoir ce que c'est le vent du matin dans les pins. Je lui dis, oui, je peux le savoir parce que je l'entends très souvent. Eh bien, là, j'écoute ça. Moi, je me dis, ça, pour moi, c'est Dieu. Eh bien, je lui dis, nous sommes d'accord. Et puis le rocher, je m'assieds devant le rocher, à midi, à une bonne cale. S'il fait du mistral, je cherche un bon abri. Eh bien, tout ça, je regarde autour de moi, les bêtes mangent, puis elles dorment, elles font ce qu'elles veulent, les chiens surveillent, et moi je me dis, vraiment, tu vis la vie d'un dieu. Bah, j'ai trouvé que c'était merveilleux pour un berger. Et bien je lui dis, mon vieux Jeannot, je suis tout à fait de ton avis, et nous avons le même dieu. Peut-être que nous sommes que nous deux, mais tenons-nous bien chaud, parce que nous avons la bonne solution. Et depuis, nous en tenons à ça, à la rosée qui dépasse la gonfle, et au vent dans les pins, et aux rochers, et à la terre. Quand il pleut, nous disons, ben, écoute, quand même, ça aussi, c'est Dieu, parce que la sécheresse, c'est terrible. Et il faut bien de la pluie. Si tu la regardes comme ça, il me dit, eh ben, tu sais, tu finis par l'aimer, la pluie. Je lui dis, plus souvent qu'à mon tour, parce que nos plantes meurent de soif. Alors, voilà, Dieu, pour nous, c'est le panthéisme, quoi. Et puis celui des nuages, ma foi, il fait son train comme il l'entend. Comment voulez-vous? Je ne peux pas, moi, réglementer tout ça. Mais je m'arrange avec. C'était Marie Moron, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 19 octobre 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.